Dossier 4, livre page 46. 1. Tu as fini tes devoirs? Oui. Range tes affaires alors. 2. Tu connais ce garçon? Oui, c'est René. 1. Quelle heure est-il? Il est 9h. 2. Tu prends un œuf en chocolat? Oui.